oui, pour trop de nuits qui pensent, quand valse l'absence dans ce bal. Ton silence est un cri qui fait mal. Je devine ton visage sur les ombres, les souvenirs sombres m'assassinent. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais je n'ose pas manquer de toi dans mes nuits, dans la pluie, dans les rires, dans le pire de ma vie. Trop de bruit pour mon esprit qui tangue sur mes rêves exsangues. Drôle danse, la mémoire est un puits de souffrance. Au-dessus de ton corps défendu, mon amour pendu se balance. Je dors sur des roses qui signent ma croix. La douleur s'impose, mais